J'espère que mes chroniqueurs vont bien cette fin de semaine. Oui. Bon, tant mieux. Et toi, ça a pas l'air parce que, alors, il faut expliquer à nos auditeurs, Thibaut a un bandage au poignet. Oui. Parce que cette semaine, j'ai vécu une rupture. Et une rupture, ça fait mal. Au poignet, surtout au début. Alors, souvenez-vous, hein, la semaine dernière, je vous ai parlé de la dispute avec ma copine. Hein. Cette semaine, c'est la rupture. Non. Il n'y a pas d'orage, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Oh, le talent. Wow. Ah, il est bon. Elle m'a dit, je prends du recul, je suis jeune, j'ai envie d'en profiter, je passe à côté de quelque chose, blablabla, blablabli, blablablou. Très bien. Et elle a fini en me disant, rappelle-moi quand tu auras ce message. C'est ouf, hein. Bon, bah, j'ai rappelé. Oui, bah, j'aimerais bien t'y voir, toi. J'ai rappelé, on s'est expliqué. Enfin, quand on est plus en répondeur, on parle beaucoup moins fort. Elle m'a dit, bon, qu'est-ce que tu me fais de funeste, là? Je comprends rien. T'as pas fait un brouillon avant de venir? Qu'est-ce que tu me fais, là? En plus, tu me dois encore 1€. Oui, un dîner romantique. Au KFC Barbès. Oh, ça va, je suis jeune, j'ai pas une thune, je suis radin. Je suis auvergnat. Ah, ça, on sait. Non. Ça se voit, oui. Non, mais imagine si c'est moi l'homme qui avait fait ça, j'aurais été le pire des salopards, j'aurais été l'ennemi public de Morin, son père serait arrivé vers moi, un fusil dans les mains. Qu'est-ce que t'as fait à ma fille, petite bite? Calme-toi, Patrick, calme-toi, hein? Calmez-vous. Ah oui, non, parce qu'avant, se tutoyer. Tu m'emmerdes. Cette bonne guerre. Petite bite, je ne sais pas, elle me surnommait l'anaconda. D'ailleurs, je ne porte plus des caleçons, mais des vivariums. Puis on m'a dit, faut prendre la chose avec philosophie. Hein. C'est mon meilleur ami qui m'a dit ça, juste avant de partir avec elle. Et tu veux entendre un truc marrant? Enfin, marrant, ça dépend pour qui. Mais j'ai commencé à écrire cette chronique de la rupture avant de me faire larguer. Là, je me suis dit, je dois être une sorte de Nostradamus, tu vois, mais sans le vouloir. Et pour voir si ces dons de voyance étaient exacts, j'ai écrit par la suite le sketch « Crève, salope ». L'enterrement est mardi.